À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Khariss. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Khariss, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour le Planet Rap avec Khariss. Comment ça va? Bien ou quoi, Fredo? Écoute, en pleine forme. Le bruit de mon arme. J'allais dire mon arme, merde. C'est pareil en fait. Voilà. Là, c'est plutôt le bruit de mon âme. L'album est sorti hier, il fait un véritable carton. On le découvre cette semaine entre 20 et 21. Comme jamais. Bien. Aujourd'hui, ouais, la journée bien passée. Belle journée, journée promo. À l'aise, tranquille. C'est quoi les questions qui reviennent le plus, Khariss, dans ces journées promo? Pourquoi Kadyrov? Pourquoi le bruit de mon âme? Pourquoi es-tu un Illuminati? Ah oui, c'est vrai. Attends, on n'en a pas parlé encore. Ouais, pourquoi le bruit de mon âme, tout ça, les gars. On parlera de ce côté Illuminati, en effet, puisque tu as rejoint la grande secte depuis quelques mois maintenant. Je prépare des complots avec Rihanna, tout ça. C'est ça, tu es sûr. Bien préparer des complots avec Rihanna, d'ailleurs. Ouais, ce serait pas mal, hein. Ah ouais. Des sacrés complots. On se demande quel complot. Viens faire un tour dans la cuisine. Exactement, je veux quand même pendre avec son stream. Écoute, c'est pour être pas mal. Si. Bon, bah, il est là avec nous en tout cas, Khariss, entre 20 et 21. Ce soir, tu vas répondre. Zéro poteau. Tu vas répondre aux questions des auditeurs de Skyrock. Si vous voulez poser des questions à Khariss, allez-y 41759 avec le hashtag Khariss sur Skyrock. Et juste avant d'attaquer ce soir ce nouveau Planet Rap, on va se rappeler ce qui s'est passé hier. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Bonsoir Khariss, comment ça va? Wesh Fredo, bien ou bien? Est-ce que tout se passe comme prévu? On est là frérot, tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu? Ouais. Planet Rap Khariss. Les femmes adorent baiser, mais elles n'aiment pas se faire baiser. Dès que mon nom est prononcé, l'atmosphère est lourde menace. Un chlasse dans ma besace, enculé que ça va, c'est tenace. Je veux juste que les billets s'enfilent. Ma bague sur le micro s'enfile, pendant que ces PD s'enfilent. Que les traits agonisent tranquille. 2-7-0 cartel, double A je le martèle. Je viens te sauver ma belle, je sors tout droit d'un Marvel. Elle veut pas qu'on voit sa tête, mais elle veut qu'on voit son cul. C'est le monde à l'envers, les yeux de ma mère, je ne comprends plus. Je suis tellement coté que les rappeurs ne savent plus comment faire. Je suis pas sur ton son, mais on parle de moi dans les commentaires. Comment tu peux faire confiance à tous ces nègres intendants? Peux mourir pour un pote mais abandonne la mère des enfants. Tu connais déjà l'histoire de mon gros orteil. Parlons de mon cachet, de mon osé. Lève pas bel homme, le canon te cache au soleil. T'es un gros cisra, mais ta fille va coucher d'un carlouche. Bye pas pendant que je rappe. Planet Rap. T'as compris ou pas? On continue ou pas, Khariss? Ouais, fort. On continue fort? Balance la sauce, poteau. C'était hier soir, en direct avec Khariss sur Skyrock. Que ceux qui ne suivent pas restent dans leur coin. Ils ont le pouls saturé à l'heure de pointe. Évite de trop tirer sur mon joint. Tu peux te faire mêler comme Interpoint. Gucci, Prada, Louis Vuitton. Me parle pas d'amour, c'est du bidon. Je préfère me faire piquer par un scorpion que par ce fils de putain de Cupidon. Là, peut-être mes deux temps, je pense à l'avenir. T'es en train de te lébran, tu sens que ça va venir. Vision nocturne, phare directionnel. Je suis dans la cuisine au four traditionnel. Je suis dans le bolide, je vais débouler. Vent, grêle, puis j'ai boulé. Toujours hardcore, même après des saoulés. Je crasse dans le gâteau fraîchement démoulé. News, cool, il n'y a plus de battle. Ou plus ton cul, ferme plus ta gueule. Mes négros ne plaisantent plus. L'Alabama ne chante plus. De 7 et 2 R au gang. La chaleur du Big Bang, cocaïne et crack dans mon créneau. J'suis dans le V12 frérot. 2-7. Allô? C'est qui le patron? Lourd. Khariss. Sevran. Ok. Tous les soirs, 20h-21h, en direct avec Khariss sur Skyrock. Khariss, c'est l'album Le Bruit de mon âme avec un gros live hier. Hein. Ouais, deux gros lives d'ailleurs. Qu'on peut retrouver sur le Skyrock FM en intégralité également. Khariss avec nous, on va saluer Thérapie qui est là aussi dans le coin. Qui a énormément bossé aussi autour de cet album. De fou malade. Et qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Dans un instant, je le disais, il y a les questions des auditeurs de Skyrock qui vont te poser des questions à l'antenne. Ce sera au 41759 pour les poser avec le hashtag Khariss sur Skyrock. Et on va débuter comme chaque soir avec un morceau. Exact, on va débuter avec Crystal en direct. Cette grosse collaboration. Grosse collaboration sur un son de Thérapie Futur. Et le morceau avec Futur, c'est maintenant. Back to the future. Yeah. Yeah. 9-3. QT Hendrix, Fire, March, Future, The Wizard, you know what I'm saying? LBG, we global. RGT. Oh, I won't touch these bitches.

L'album est dans les bacs depuis hier. Et ce soir, je disais, c'est les auditeurs qui te posent des questions, Caris. Et on a Sarah de Créteil. Salut Sarah. Allô, bonsoir. Comment ça va Sarah? Ça va très bien, merci. Et vous? Bah écoute, en pleine forme, bienvenue dans, bien. dans le Planète Rap de Caris. Ok, bonsoir Caris, ça va? Ça va ou quoi Sarah? Ça va très bien. Tranquillement? Ouais, ça va. Si, si. Est-ce que tu as récupéré l'album? Oui, j'ai récupéré l'album. Ouais, t'as tout niqué. Ouais, direct, j'allais le chercher. Dessus, j'espère. Bah oui, il y a trois bons sons. Moi, j'aime beaucoup Les Oiseaux, ouais, Les ouais, Voyageurs ouais. Et Kadyrov. Kadyrov. Ah, ouais. Kadyrov, il revient souvent. Hein. Kadyrov, il revient souvent. Ouais. Si, si, mm-hmm. Si, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Au moins, j'ai fait trois bons sons, c'est bien. Ouais, merci. C'est ça, en fait. Non, t'inquiète, ouais, je vais te dire un truc. Faire trois bons sons sur un album, c'est déjà dur. Donc, non, le reste est bien aussi, mais ça, c'est mes préférés, en fait. Ah. Non, mais c'est vrai que généralement, quand t'écoutes un album, t'en as toujours deux, trois qui ressortent. Voilà. Après, tu reviens aussi sur l'album et t'en trouves d'autres. Tu sais que Kadyrov fait partie de mes préférés aussi, et Les Oiseaux aussi. Donc, t'as des bons goûts. Merci. Bon, est-ce que tu as une bonne question pour Caris? Bah, une bonne. Alors là, c'est ma question. C'est, je me posais la question parce que j'avais vu, en fait, dans le clip Sevrac, il y a un moment, Caris, tu fais un signe, en fait. Et comme tu expliques souvent tes signes, par exemple, où tu retournes tout dans Zo, t'as expliqué ton double fuck, on sait ce que ça signifie. Et là, en fait, il y a un signe que t'aimes tu fais. T'aimes bien le double fuck? Ouais. C'est pas bien, Sarah. Mais là, il y a un signe, en fait, où tu commences à dire, ils disent que je suis plus leur frelon et que j'ai le bras grave long. Et tu fais un signe, en fait, avec eux. Tu fais un signe avec tes deux bras. Tu m'as bouché de rire, j'ai même pas entendu ta question. La tête de homme. Et genre, je veux savoir ce que ça voulait dire. Même dans, quand t'apparais dans le clip de Solo Limite, dans Rumeur et Rago, tu fais signe. Ouais, en fait. Solo, ça parle de toi, Solo. Il est où, mon et gars, Solo? Les côtés de où, mon frère, ça se cite sans œuvre là, comme ça. Je suis corda. Il est là, Solo, il va faire un freestyle bientôt, là, bien sale, bien lourd. Comme signe. Donc, Sarah veut savoir la signification de ce signe que t'as pas encore expliqué. Voilà. Mm-hmm. Alors, rappelle juste pour Caris, à quel moment tu dis Sarah, toi? En fait, dans Sevrac, au moment où ils disent que je suis plus leur frelon, que j'ai les bras grave longs, en fait. Il y a fait un signe à ce moment-là, avec ses deux mains. Je me rappelle plus, voilà, je vois plus c'est lequel, mais je suis sûr que le signe il était bien. Mais chacun a une signification, chaque signe. Non, ça part d'un délire. C'est le kiff, c'est pour imager un peu ce que je dis, tu vois. Donc il n'y a pas de signification précise. Ouais, pas vraiment. Bah, ce qu'on va faire, c'est que Caris va aller. T'es pas vénère, j'espère. Non. Tu voulais qu'il y ait un truc non, à tout prix. Non, j'ai posé la question. Ce qu'on va faire, c'est que Caris, il va rentrer à la maison, il va regarder le clip et demain, voilà. Si il dit d'un seul coup. Ah oui, mais merde, ça veut dire ça. Tu me diras demain entre vous. Je vais regarder le peuple et demain je te dirai si c'est vraiment ça, quoi, je pense. Okay, d'accord. Ouais, pas de soucis. Sinon, vas-y, écoute bien Kadyrov et fais attention à l'autre. Ouais. Est-ce que je pourrais faire une dédicace? Vas-y, on t'écoute, vas-y, direct. Ok, alors je fais une dédicace à Moustique, dédicace à Rasta, à Dexy, à Scully et à Tegarmé Industries. Que des blases bizarres. Ah ouais. Dédicace à vous, les gars. Et on te fait un bisou, Sarah. Continue à poser les questions avec le hashtag Caris sur Skyrock. Et ah, on fait le cadeau aussi? On te fait le cadeau pour Sarah? S'il vous plaît. Attends, on me communique dans l'oreillette en hurlant. Album, wow. album ou place de concert, comme tu veux. Place de concert, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est jeudi, c'est blindé en plus, Rabendo. L'album, tu l'as déjà, ouais. Donc place de concert, ouais, c'est bon. Je l'ai. Tu es libre jeudi soir? Jeudi soir, ouais. Trabendo, ça va. Voilà. C'est blindé. Merci. Il n'y a plus de place. Beaucoup. On t'attend là-bas. Merci. Bisous, Sarah. Au revoir, bisous. Ciao. Ciao, Sarah. À l'instant, sur ce qui retient, on peut peut-être lui faire plaisir. Est-ce qu'on mettrait pas Kadyrov ou un autre morceau? Elle a posé une vieille question, elle a gagné une place. C'est bien. C'est pas juste. Même deux places. Non, je rigole. T'as fait bien rire en même temps. Ouais, ça. Fort. C'est bien, elle connaît tous les signes et morceaux. T'as vu, c'est un truc de ouf. Elle apprend bien. Il y a même des trucs, toi, parfois ça doit te surprendre, parce que c'est vrai que quand tu fais un signe ou quelque chose en particulier, des fois ça n'a pas de signification. Et les gens qui pensent que ça veut dire quelque chose, ouais. Il y en a qui s'inventent des stories, tout ça. Voilà, c'est comme ça. Il y a des trucs auxquels tu réfléchis maintenant, même sur les morceaux, sur les textes que tu fais, de te dire, faut faire gaffe quand même, parce que c'est vrai que. Bah, j'ai pas envie que les gens continuent à croire que. Enfin, des gens. Les imbéciles qui sont derrière Internet, j'ai pas envie qu'ils croient que je suis un Illuminati ou des conneries comme ça, bien sûr. Bon, on peut dire un mot là-dessus, c'est vrai qu'il y a Illuminati, alors c'est soi-disant cette fameuse secte, ouais, qui contrôlerait le monde, hein. J'en fais partie. Et tu en ferais partie. Moi. Comme. Moi qui ai mis 15 ans pour sortir un album, moi j'en fais partie. Ouais. Écoute, c'est bien, c'est l'ascenseur social, regarde, tu es parti de Sevran, tu es maintenant en plein cœur des Illuminati. Voilà, exact. Dans un vaisseau, tout ça, dans l'espace. Non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs que tu peux lire parfois sur Internet. Ouais, des fois c'est aberrant, des fois. Ouais. Bah, c'est vrai que oui, sur les signes en même temps, c'est souvent ça, les signes. Donc s'il a fait ce signe-là, c'est. C'est exactement rapport. Ça, il pense que les signes peuvent. Je sais pas. Bon, alors, est-ce que tu fais partie des Illuminati ou pas? Non, bah non. Je sais même pas ce que c'est, frère. On t'a pas démarché, moi. Pas encore adoubé. Merde, ça va peut-être venir. Pour le troisième. Je sais pas, peut-être. Pour le troisième album. Je sais pas. Contrôler le monde. Contrôler le monde, non, je pense que ça sert à rien. Ouais. C'est mieux se contrôler soi-même. C'est mieux. Déjà, si on pouvait tous avoir cette réflexion et de se dire. C'est ça. Essayer d'être le meilleur possible. C'est ce que je veux dire. Et faire du bien au quotidien. Exact. Ce serait pas mal. Assez proche en tout cas. Donc, si les enculés qui sont en face, ils fuck les Illuminati. Un autre Illuminati qui arrive parmi nous. S'ils existent, fuck. Le patron des Illuminati. Non, mais après, voilà, ouais, bien sûr, faut pas être tout le temps parano. Bien sûr qu'il y a forcément des puissances, des lobbies, ce qu'on appelle des lobbies qui peuvent imposer certaines lois, certaines choses. Ça, oui. Ouais, mais pas un Tibétain choses... qui vient d'arriver d'Abidjan. Faut pas déconner, quoi. Non, mais c'est surtout pourquoi en fait. C'est pour inciter à quoi? C'est pour. C'est pour me nuire. Corrompre le monde. C'est quoi l'idée en fait? Cette histoire-là. Ouais, c'est toi. Si jamais tu faisais partie, c'est quoi en fait? C'est ce qu'on te reproche, c'est ça? Je crois que le but, ce serait de. Ouais, c'est ça, c'est que je comprends même pas le but en fait. Je sais pas. Vendre plus de Big Mac au McDo, j'en sais rien. Je sais pas c'est quoi, frère, le but. Leur but, c'est pas c'est quoi. Donc faut qu'il fasse le signe double cheese dans le prochain clip. Voilà, c'est ça. Comme moi, le mien, c'est de faire de la bonne musique, tu vois. Voilà, exactement. Et c'est sur cet album, Le Bruit Nous en Âme. Dans un instant, on retrouvera une autre question. Oui, qu'est-ce qu'on met comme morceau, messieurs? C'est toi qui choisis. On n'a pas mis Kadirov hier. Non, si, on l'a mis hier. Si, on l'a mis hier. On l'a mis hier, mais on peut le remettre. Non, on va changer un peu. Tiens, tu veux l'album de transit, non? Que je vais faire four en live, donc on va mettre. Tu fais un live ce soir? Ouais, El Chapo. Ouais, El Chapo avec notre gars Lacrim, ouais. Je pense que ça va faire plaisir. Bon, un mot quand même sur El Chapo. El Chapo, c'est un. El Chapo, mec plus gros que Pablo Escobar. Hein. Ouais, d'après ce qu'il dit. C'est un mexicain. D'après ce qu'on dit, ouais. Mais Pablo Escobar est très lourd aussi, ils sont tous très lourds. Non, c'est un mec, oui, qui est. C'est juste. Qui faisait partie d'un cartel mexicain. Comme ça, mais on respecte. Pablo. Et on en profite pour saluer Lacrim aussi qui est présent sur. Ouais, Lacrim, gros big up à Lacrim, mon gars Lacrim. Franchement, un bon gars. Il est calme, tu vois. Il est serein, il est calme. Il y a de la maturité en lui, ça se voit. Vous êtes déjà croisé. Ouais. Et j'aime bien comment il utilise le vocodeur, tout ça. J'aime bien même le flow qu'il a dans le morceau. Et bon, on l'écoute maintenant, ce morceau 41-759. Et après une autre série de questions, avec Amir notamment du côté d'hier. El Chapitito. Tout sept, 0. J'allume ton équipe de traf, le Kalashnikov baby Draco. Faut que Tony Fox soit sa faute Pablo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Sors un famas de mon chapeau. Et des sacs écrits de sang avec la bouche, la tête de mort flanquée de mon drapeau. J'reste sous Kamaz jusqu'à l'échafaud. Mais avant de partir, je vais leur faire avaler toute ma demeure comme des scatos. Paradis artificiel, mais l'enfer est bien réel, mon frérot. La déferlante de violence peut donner froid dans le dos à Sub-Zero. On est Sifma, on est Trixma. Bitch, les tricheurs ne gagnent pas et les gagnants ne trichent pas. On rêve de Bugatti Veyron, pas de ton sale boule bouffonne. On a de la poudre pour Bobby Brown et Whitney Houston. Jugé à la gueule comme Patrick Dix. Tu seras meilleur que moi quand les poules auront des grises. Faut que Tony Fox soit sa faux Pablo. Viens dire bonjour à El Chapo. Faut que Tony Fox soit sa faux Pablo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Le carré de sur le cap, au volant de la Mercedes. J'allume ton équipe de travel, au Kalashnikov de Bidraco. Faut que Tony Fox soit sa faute Pablo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Bloc de passe des CLM. Moi j'sais pas quitter. Je la touche pas parce que si je la baisse, elle voudra plus me quitter. Mon Glock te passe de CLM. Les balles t'arrachent le casque. Tu le vis mal, l'animal vient de sortir du 9-4. 2 grammes, rebut, elle suce toute La nuit, des rats, des chats, des crânes déloqués. Du dur mourrait, nique la bague débloquée. Ceux qui ont blast cramé dans ton kill. Les frères qui tapent les dabs en Cherokee. Regarde ma gueule, sale fils de pute. Je suis plus un chapeau que dans Rocky. On va faire quoi? La vie de ma mère, y'a du bifloutier car on a les reins solides. On va faire quoi? Faut pas jouer. Champion de la ligue. Téléphone satellite depuis de gros talons. Philippe plein, plein de pics. Le réseau plein de flics. Va donc clasher ta bite. Faut que Tony Foxo, ça faut pas. Blo, viens dire bonjour à El Chapo. Faut que Tony Foxo, ça faut pas. Blo, viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Moteur V12 sous le capot. Volant de la Mercielago. J'allume ton équipe de trave, le Kalashnikov baby Draco. Faut que Tony Foxo, ça faut pas. Blo, viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Coca, coca, cocaïna. Transit de Bogota, Guadamadinina. Dans la street des fers sur mes négros comme Katrina. Tu bif, fais ma force qui finale. Prochaine Gucci pleine de ce lien. J'suis dans le carré VIP plein de bleu. Y'a des tailles, si, de la RIA. Tout ça, j'enfonce dans le gros boule Ziggy Azelia. Pas de négociation, j'compte bien te la mettre. Tu pourras me sucer, moi et mon gang d'aliens. On t'ouvre le pit direct, on récupère la mettre. On te laisse avec une cicatrice de césarienne. Très, très, très, très grand Cherokee. La bonne casse la voix comme Yogoti. Dans le chargeur, la balle se blottit. Le plongeon te frotte à ralenti. T'as l'air sur le vibromasseur. Je joue sur l'accélérateur. Traîne à la regarde de pute avec notre chronique. Veux aller plus loin, mais un bras électronique. Rien à branler, rien à l'ébran. Pour moi, le monde s'arrête à ce grand. T'as double A et K, chacun Zulu gravé sur une défense d'éléphant. Faut que Tony Foxo, ça faut pas. Blo, viens dire bonjour à El Chapo. Faut que Tony Foxo, ça faut pas. Blo, viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Moteur V12 sous le capo. Volant de la Mercielago. J'allume ton équipe de trap. Le Kalashnikov baby Draco. Faut que Tony Foxo, ça faut pas. Blo, viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo. Faut que Tony Foxo, ça faut pas. Blo, viens dire bonjour à El Chapo. C'est extrait de l'album Le bruit de mon âme avec Lacrim. El Chapo, frérot. El Chapo avec Caris et Lacrim. Donc Lacrim, belle rencontre. Ouais, belle rencontre. Tu, ouais. Tu connaissais un peu, vous étiez déjà croisé. Ouais, on devait déjà faire un morceau, même à l'époque de Or Noir. Mmh. Ça n'a pas pu se faire. Voilà, chacun avait ses occupations, peut-être. Donc voilà, on a profité pour le faire là. Ouais, il était sur son album aussi. Voilà, il était sur son album, donc on a profité pour le faire là et on a profité pour bien le faire. El Chapo, vous le retrouvez sur Le bruit de mon âme entre 20 et 21. Les questions que vous posez à Caris aussi avec le hashtag Caris sur Skyrock 41759. Amir de hier, comment ça va? Ça va et vous? En pleine forme, Amir? Bien. Est-ce que tu as l'album de Caris? Eh non. Ah, Amir. Qu'est-ce qui déconne là? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai travaillé, mais bon, j'allais y aller, mais là, comme je faisais au téléphone. Tu vas te rattraper, Amir. C'est ça, t'as compris. T'as tout compris. Amir, c'est le gars du Sud, tranquille, il y va. Mais, ouais, tranquille, mais j'ai écouté tous les sons sur Planète Rap, c'est pour ça. Ça va, t'as kiffé? J'ai pas eu le temps, putain, de la bombe. Non, c'est mer, frérot. Franchement, bien. Alors, Amir, quelle est ta question pour Caris? On t'écoute. Moi, c'est pour savoir si tu vas faire une deuxième partie comme dans Noir. Il veut savoir en fait s'il l'achètera après. Même si on est rassasié, il en faut encore. T'es trop speed, toi, t'en veux trop. Oui, il y a que toi. Les trucs qui vont arriver, faut même pas t'inquiéter. J'ai faim, j'ai envie de tout niquer, t'inquiète pas, il y a des trucs qui vont arriver. Il faut. Bon, il y a déjà 18 morceaux là. Ouais, c'est bien. Ce qui est quand même pas mal. Il y en aura d'autres pour Amir, t'inquiète. Mais voilà, il en faut pour moi, voilà. Et les clips? Tu vas en faire d'autres ou... Ouais, il y en a d'autres aussi qui vont arriver. Il y en a d'autres qui vont arriver. C'est quoi les prochaines les prochains sons qui ont été clippés ou ceux qui arrivent? Allez. Surprise. Quel morceau? Faut que tu fasses Tripoli et Trap. Ah ouais? Je vois pas de morceau qui s'appelle Surprise sur l'album. On va faire un sondage alors. Faire un sondage là. Micro trottoir. Bon, en même temps, là, il y en a déjà eu aussi beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mais il y en aura encore. À chaque fois, t'as balancé l'image avec les morceaux en fait. Si on pouvait tous les clipper, on les aurait tous clippés, même ils méritent tous d'avoir un clip. Parce qu'ils sont bien les clips que tu fais. Ouais, merci frérot. Bon, Amir, tu as fait le tour, petite dédicace, petit message. Ouais, nickel. Juste une petite dédicace à ma petite sœur Féréal. Eh bah, terrible. Voilà, et c'est tout, et fuck les autres. Ciao, Amir. Voilà. Allez, à bientôt, Céréal. Ciao Céréal, on salue Céréal, Frangine. L'assaut du 9-4 qui nous appelle, comment ça va l'assaut? Ça va et toi Fred, tranquille? Eh ben, écoute, en pleine forme, bienvenue dans le Planète Rap de Caris. Ouais, je Caris, bien ouais, quoi. Ouais, mon poteau l'assaut, cool ou quoi? Tranquille hein. Pépéros? Ouais, toujours. Si, si. Alors on t'écoute. Ouais, moi ce que je voulais demander c'était depuis Or Noir. On dirait que t'es plus calme, t'es plus souriant. Tu vois, on dirait que tu rigoles plus, t'es moins sombre, on dirait. Ouais, enfin, comment trouve. Ça fait bah, il s'est entraîné devant sa glace. Hein. Voilà, je me suis entraîné devant ma glace. Il a tout dit, t'as donné la réponse. Je me suis beaucoup entraîné. Non, mais c'est vrai que tu parais plus apaisé en tout cas. Pour rejoindre un petit peu l'assaut, c'est vrai. C'est quoi? C'est le fait que l'album se passe bien, que ouais, qu'il soit terminé déjà. Hein, donc tranquille quoi. Franchement, je suis azelé, hein, t'inquiète pas, l'assaut. Ça va très bien. Ouais, je voulais te demander aussi, que tu rêverais de faire des feats avec, quel rappeur? Des rappeurs US ou français, n'importe quel rappeur. Là, dans l'immédiat, ce serait Gucci Mane, quoi. Ah, Gucci Mane. Bah, c'est un peu compliqué, non? Après, en France, je vais pas citer un nom si je suis pas sûr que cette personne-là. Soit OP, tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup de rappeurs, même en France, il y a des collaborations que j'aimerais bien faire. Et puis il faut dire que là, sur cet album, contrairement à Or Noir, où il y a beaucoup de featuring hein, sur celui-ci. Beaucoup de feat, toi. T'as un peu plus. Un peu plus. Il y en a 5 quand même, c'est bien. Ouais. Tu vois. L'assaut, tu l'as toi l'album? Ouais, bah je l'ai l'album, je l'ai écouté. Moi, j'ai kiffé de ouf. Hein. Si. C'est lesquels morceaux, toi, qui reviennent le plus, ceux que tu réécoutes régulièrement? Bah, moi, c'est mon préféré. Moi, c'est Voyageur avec Blacko. Ouais, ça revient souvent. Après, il y a Trap aussi que j'aime bien. Celui-là aussi revient souvent. Ouais, Trap. C'est marrant, c'est presque le top 3 que tu m'as donné tout à l'heure avec Adiran. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est exactement ça. T'as des bons goûts, mon pote. Merci. Ouais, ouais. Et bah, merci à toi, l'asso, en tout cas. Ouais, je passe des petits dédicaces. J'ai pas demandé, il y a cadeau aussi pour l'asso et pour Amir. L'asso, tu veux quoi? Tu veux l'album ou tu veux les places? Moi, je voudrais des places, moi. C'est jeudi, t'es libre jeudi soir? Ouais. Et bah, Trabendo, hop, deux places. On se retrouve jeudi, alors l'asso. Et Amir, on lui posera aussi la question en antenne, on lui demandera ce qu'il veut aussi pour toutes les questions, des cadeaux, soit l'album, soit les places de concert. Vas-y l'asso, on t'écoute. Ouais, je voudrais dédicacer Gigi, Scarlo, Marou, Boubou, Greg, Vico, Lassana, dans tout le coteau, tout le 9-4, on est ensemble. Merci à toi l'asso. Merci à vous. Ciao, passe une bonne soirée. Les questions, et vive la Serbie. 5-9. C'est un message qui est arrivé, c'est pour ça? Ouais. 41759, le hashtag aussi Caris. Sur Skyrock, on revient dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau, Caris? Ou thérapie? Zone de transit. Ah bah voilà. Ouais. Le fameux zone de transit. Bougez pas, il arrive. L'un de mes préférés. Juste après ça. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Caris pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Avec Caris sur Skyrock. L'album s'appelle Le bruit de mon âme, il est dispo depuis hier, on le découvre. Il y a toujours aussi la box collector ou elle est en train de s'épuiser petit à petit à la Fnac? J'en ai plus, moi j'en avais une hier. En tout cas, faut aller la prendre direct, sinon il reste plus. Il faut y aller chercher. Cherchez-la même avec une torche s'il faut, mais trouvez-la. Avec le t-shirt collector, la marque de fringues justement, BTTF. BTTF, ouais. T-shirt dedans. De Caris, on va écouter un morceau avant de passer au freestyle par téléphone. C'est un morceau qui s'appelle Zone de Transit. Exact. Il fait partie des morceaux plus profonds de cet album. Ouais. Il est né comment celui-ci, Zone de Transit? Il est né entre dans deux zones de transit. Entre deux vols. Exactement. Entre deux vols. Le son de celui-ci? Ouais, c'est 2031 et moi-même qui l'avons fait. Voilà. Un petit spécial. Hein. Et bon, on l'écoute. Fort. Zone de Transit. Lamborghini, j'ai décollé vers l'infini avant de disparaître comme Houdini. J'explose de boules de ta granny, BTTF ou Cavalli, même en chien en Calcani. J'crois en Dieu comme Babani, j'les fuck eux et leurs Grammy, j'les fuck eux et leurs amis. C'est que le début, c'est pas fini. Ça vient de la Seine-Saint-Denis, chaud comme un boucler de Grigny. Deux feuilles, ça sent le bouquet garni. Dans mon crâne, c'est Grozny. J'aime la menthe à la Tony et les cuisses à Gina comme Manny. Qui va m'attendre sur l'autre rivage? Je ne suis que de passage. Je chante mon message se transforme en plusieurs visages. Honorable mon parcours, je peux bien me flatter. Je m'ennuie partout, mais je veux rien rater. Qui va m'attendre sur l'autre rivage? Je ne suis que de passage. Je chante mon message. glissage se transforme en plusieurs visages. Honorable est mon parcours. Je peux bien me flatter. Je m'ennuie partout. Je veux rien rater. Garci de la Havane, aperçu dans la savane. Demande-moi si ça va, man. Je suis défoncé comme un chaman. Je m'accroche à ce jeu. Comme un clando sous les essieux. Comme un gosse fait des vœux. Le regard vers les cieux. Bécoli veut du Louis V. Aminata veut du Fendi. My life is a movie. Dirigé par Fellini. Le sang des colonies. Sors le fer comme le chromie. Je vous l'ai promis, c'est le temps des macaronis. Qui va m'attendre sur l'autre rivage? Je ne suis que de passage. Je chante mon message, se transforme en plusieurs visages. Honorable est mon parcours. Je peux bien me flatter. Je m'ennuie partout. Je veux rien rater. Qui va m'attendre sur l'autre rivage? Je ne suis que de passage. Je chante mon message, se transforme en plusieurs visages. Honorable est mon parcours. Je peux bien me flatter. Je m'ennuie partout. Mais je veux rien rater. Ces salopes font d'alchimie. Leur mère se vend, c'est stick me. Chasse les rêves comme Mick Mill. J'enroule un autre, je fais de la rythmie. Je me décourage et je me dis que je peux le faire car je suis déter. Chaque orage me prédit qu'il pleut sur la tombe de mon père. Je veux un palace dans les Maldives. Loin d'être fauché. Sur le rocher. King comme un Grimaldi. Thérapie musique, pas d'accalmie, même sans forcer, fuck Vivaldi. Qui va m'attendre sur l'autre rivage? Je ne suis que de passage. Je chante mon message, se transforme en plusieurs visages. Honorable est mon parcours, je peux bien me flatter. Je m'ennuie partout, mais je veux rien rater. Qui va m'attendre sur l'autre rivage? Je ne suis que de passage. Je chante mon message, se transforme en plusieurs visages. Honorable est mon parcours, je peux bien me flatter. Je m'ennuie partout, mais je veux rien rater. Qui va m'attendre sur l'autre rivage? Je ne suis que de passage. Je chante mon message, se transforme en plusieurs visages. Honorable est mon parcours, je peux bien me flatter. Je m'ennuie partout, mais je veux rien rater. Le morceau s'appelle Zone de Transit à l'instant. Exactement. Et c'est vrai que ça chantonne aussi, hein? Ouais, ça chantonne un peu. Ça chantonne un petit peu. Ouais, pas trop forcé, mais ça chantonne bien. Bon, ce sera pas le troisième album, ce sera pas un album de chant, hein, je pense non. pas que. Non, jamais. De la régression. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a plein de choses aussi qui sont testées, et ouais, notamment ouais, ce morceau. C'est un peu plus mélodieux, tu vois. Le morceau qui s'appelle Zone de Transit, extrait Le Bruit de mon âme à l'instant. C'est l'un de mes chouchous. C'est un très beau morceau celui-ci. Il y en a un autre aussi qu'on pourra passer avec Blacko qui s'appelle Voyageur. Exactement. On pourra le découvrir dans la semaine. Mais là, attention. Un mythe est au studio. Au micro. Solo le mythe. Solo le mythe. Tu nous as dit qu'il faut absolument présenter Solo le mythe. Ouais, c'est un gars de chez moi. C'est un gars de chez moi. Faut le présenter là. Il arrive. Alors, Solo. Bonsoir à tous. Solo le mythe. Installe-toi bien. Ça va bien? Ouais, ça va et toi? Alors, petite présentation, petit CV express de Solo le mythe. Un petit CV. Solo le mythe du 10-12 Record. Rappeur originaire de Sevran, RGT. Les gens ont dû me découvrir dans le freestyle de Kaaris, Mauvais Joe. J'ai eu des bons échos et voilà. Donc là, t'as rien de sorti encore? Si, j'ai sorti en fait des clips. Il y a Rumeur Rago sur une prod de Thérapie. Si, si. Sinon, il n'y a pas encore de projet. On est sur un projet, sur un album ou un EP. Après, tout dépend de l'engouement en fait qu'il y aura. Et on va essayer de faire ça bien cette année, quoi. Donc retenez bien Solo le mythe. Retenez bien Solo le mythe, il est là. Il est pas mythique, pas mythique le site de Rago, quoi. Mythique légendaire. Et sur l'album, on a fait un son ensemble sur l'album qui s'appelle Situation, avec Xo d'ailleurs. Ouais, avec Xo. Voilà, quoi. Ouais. Gros son lourd à écouter, faire tourner. Et qu'on pourra peut-être, je sais pas, passer dans la semaine en tout cas. Sans problème, obligatoire. Ouais, fort. Et alors pour te suivre, toi Solo, il y a un moyen de. Il y a Facebook, Solo le mythe. Il y a la page Facebook, Solo le mythe. Et il y a le Twitter aussi. Solo le mythe, pareil. Donc Solo le mythe. Solo le mythe. Solo le mythe. Et il y aura un gros freestyle de Solo aussi. Dans la semaine, Inch'Allah. Peut-être demain, Inch'Allah. Ouais. Bah, ce sera là entre 20 et 21 sur Skyrock. Caris avec nous et par téléphone, c'est Yessima de Granville. Salut Yessima. Salut. Ça va bien Yessima? Bonjour et toi? Bah écoute, en pleine forme, je te présente Caris. Il y a Thérapie. Bien ou quoi Yessima? Il y a Solo le mythe aussi au micro. Bonjour et toi Caris. Ouais, si. Ça se passe? Ouais, et toi? Évidemment. C'est fou cette petite voix douce que tu prends dans ce co-charisme. Non, tranquille, ouais. Petite voix douce pour accueillir Yassima. Yassima rap bien. Il faut bien parler avec les dames, c'est bien. Tu vas avoir un rap freestyle. Ouais, il faut que tu kicks ça fort. Et bon, t'écoutes Yassima. C'est parti, session. La sauce. Freestyle par téléphone. Yassim, 2015, Grandville. On va faire ça bien. Dédicace à Monsieur Score Pérez. Ça fait. Alcoolisé par la mémoire en pont, la rue a ses règles, on s'est pété au fun par la mémoire tampon. C'est ton mépris qui te laisse en hors de l'humilité. Après la pluie, il reste encore de l'humidité. Ok, sort du sky, si ça pique ce soir. J'ai vu solide ma mère bloquée, j'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. La cervelle en caoutchouc, depuis que le joint m'attire, y'a des choses à ne pas penser, encore moins à dire. La vision de la vie jamais se bloquera en pourpre. En aucun cas je passerai de coca gazeux à coca en poudre. Ce monde de merde, est-ce qu'il vous convient, vous? Plus y'a de fous, moins on rit, puisque plus y'a de riz, plus on devient fou. J'ouvre dans le blanc dayeuse, révulsé le mat, les droites se mettent entre deux crochets, la violence réfute tes maths. Les plus talentueux n'ont pas trop de tubes. J'suis sur les rotules, mais pas pour les mêmes raisons que ces grosses putes. Les collages déserts, c'est de la 4 bio. J'en fais qu'à ma tête de bulle, cœur du problème, c'est de la cardio. Les abysses sont des places au réduc d'enfer. Y'a plus que des gamines chaudes sans retenue qui auraient dû en faire. On nous fait porter le chapeau, nous casquons assez. Si on fait pas ce qu'on pense à faire, c'est qu'on pense trop à ce qu'on a fait. J'aime pas tous ces bolos ni tout ce qui les concerne. On nous a jamais rien donné alors qu'on prend conserve. Tous vulnérables, personne d'invincible, t'as compris. Donc balai bas les couilles de comment tu baisses, de quitter ou ce que t'as compris. Le temps à la main lourde dépasse à la pesanteur. Je connais la gravité d'une chose mais pas sa pesanteur. Ça kick, hein. Alors, Caris, ça kick de fou. Vous faites exprès, quoi. Tous les soirs, vous mettez des mecs, des gens qui. Hier, il y avait Yanis F2L qu'on savait. Ouais, aujourd'hui. Soir Yassima, bien, Yassima. Bien le texte. Merci beaucoup, bien le texte, bien écrit et tout, au niveau du texte. Comment? Bien écrit le texte, franchement bien écrit. Ouais, je travaille beaucoup là-dessus. Ouais, c'est important. Et des messages pour toi. Exactement, c'est la base du rap pour moi. Elle déchire, ça va, elle gère la meuf qui rappe en live, là. Elle est chaude, la go. Elle est chaude, la go. Ryan qui nous envoie ça. Allez, continue, ouais. Mortel, mortel, voilà. Bah, écoute, bravo à toi, Yassima. Hein. Merci encore. Bon courage. Et je voudrais. On vient de sortir le premier extrait du projet, le premier clip. Et donc, sur YouTube, vous allez le trouver. Yassima Aviné, il y a ma page Facebook. Donc, dans... comment ça s'écrit, Yassima, pour bien le retrouver? Y-E-S-I-M-A. Y-E-S-I-M-A pour retrouver Yassima. Eh ben, voilà, c'est exactement ça. Et si on peut te suivre aussi pareil, t'as deux, trois adresses à communiquer, vas-y. Hein. Juste ma page Facebook. Après, j'ai mon compte personnel, voilà, pour les contacts. Mais ouais, pour ceux qui veulent me suivre sur ma page Facebook. On demande déjà ton numéro de téléphone. Ça, c'est des mecs un peu énervés qui envoient des messages. Pour toi, Yassima. Et eh ben, bon courage pour la suite, en tout cas. Merci beaucoup à vous. A plus, ciao, bonne soirée, Yassima, on te fait un bisou. Merci. On me communique une info qui à chaque fois te fait plaisir, je me souviens dans les planètes rap, tu es en TT. Hein? On a dit TT? Encore? Non, en TT. Top tweet? Top tweet. Ouais, c'est bien. C'est un coup sur freestyle de Yassima. Je me souviens que dans les derniers planètes rap, ton bataille est allègrement. Hein? Je sais pas si c'est encore le. Ouais, c'est bien. Bon, ça veut dire que ça suit, que les gens sont là, qu'ils envoient des messages. C'est important. On le voit. Les gens en parlent, c'est important. Avec le hashtag Caris sur Skyrock et l'album qui est dans les bacs depuis lundi. Il y a une tournée aussi pour Caris. Ouais. Le 270 Tour qui passera donc jeudi, c'est blindé, c'est au Trabendo de Paris. 10 avril à l'Espace Julien de Marseille, le 11 avril à Lyon, le 13 à Montpellier, le 14 à Bordeaux, 15 avril à Toulouse, le 21 avril à Caen, 22 à Rennes, 23 à Brest, 28 avril à Metz, 29 au Printemps de Bourges et 9 novembre au Zénith de Paris. Ouais, et le 15 mai à Abidjan. Et ah oui, Abidjan. Abidjan. On salue Abidjan aussi, ceux qui nous écoutent là-bas du côté d'Abidjan. C'est un moment particulier pour toi d'aller jouer là-bas. C'est mon ADN. Mmh. Là, donc ce sera le 15 mai pour retrouver Caris du côté d'Abidjan. On balance un morceau avant de passer au live. Fort. Tu mets de quoi? Mais les oiseaux Tripoli, comme vous... Tripoli. Allez, Tripoli. Ouais, Tripoli, ça c'est vraiment pour les. Pour les gifler bien comme il faut. Pour les gens énervés. Ouais, ouais, mettez le son à fond. Laissez pousser la beubar. C'est parti. 2-7-0 poteau. Je vais t'attraper, te tabasser. Je lancer. Je veux pas lancer. De lancer. De lancer. Même frelater. Même frelater. Je vais la bazarder. Je vais la bazarder. Le choc de l'ombre. Le choc de l'ombre. Jusqu'à Tripoli. Jusqu'à Tripoli. Dans mon monde. Dans mon monde. C'est Kadhafi. C'est Kadhafi. On te calâchera. Mon 2-7-0 est noir. Ouais. Comme un falacha. On monte au charbon. T'es dans ta tour d'ivoire. Tu manges des lardons. Le climat se dégrade. Les balles vont pleuvoir. Comme à Belgrade, RGT ma région. Faut que tu viennes nous voir. Je vais monter la pression. 93, du matin au soir. Zone de non-droit. On s'en bat les gars, oui. On n'a plus d'espoir. Comme un Gaza, oui. Je suis dans la Range Rover. Ils ont vu mes nageoires. Sors de la mangrove, frappe comme un sourd. Je te brise la mâchoire, je suis bon même les mauvais jours. Je suis sous les projecteurs en train de perdre la foi. Tu es sous les couvertures en train de te mettre les doigts. Je suis petit, je veux jouer dans la cour des grands. Les négros sont pas doués, font le tour des gants. J'ai un TZRI et c'est pas un mirage. La DCRI a grandi l'image. Front kick, tension, c'est ma réflexion. Tes derniers sons, c'est de la déjection. Tripoli, je vais aller à Tripoli. Tripoli, me balader, calacher, parasé. Je vais t'attraper, je vais t'abasser. Je veux malaxer, je veux malaxer. De lasser, de lasser. Même frelater, même frelater. Je vais la bazarder. Le choc de l'ombre, le choc de l'ombre. Jusqu'à Tripoli, jusqu'à Tripoli. Dans mon monde, dans mon monde. C'est Kadhafi, c'est Kadhafi. Tu es dans la lunette, mets les mains en l'air. Ouais. Je vise la tête, je n'ai plus d'empathie. Je troue la chair, ma concurrence aplatie. Suce-moi la bite, suce-moi la bite. Resuce-moi la bite, PTTF. La vie grave, on la gère. Même mauvais élèves, on vend de la pure. On vous fait la guerre. Je te le jure avec ma junte. Dans le S65 et dans tes enceintes. Dans ma biographie, un sabre laser. À l'échographie, j'suis dans ma stratosphère. La putain de ta grand-mère. La fac au cher, ma voix résonne jusqu'à Pandora. Je reconnais ces chiens à l'odorat. C'est pas votre ville, on est dans vos villes. Deux ou quatre roues, la délinquance est mobile. On a beaucoup d'outils, donc ne l'oublie pas. Je te la mets là où le soleil ne brille pas. T'as bien vu que dans leur salle U, j'ai des créneaux. Pendant que mes ennemis font des calculs rénaux. Tripoli, je vais aller à Tripoli. Me balader, calacher, paraser. Tripoli, je vais aller à Tripoli. Je vais pas clasher, je vais t'attraper, je vais t'abasser. Je veux malaxer, je veux malaxer. De lasser, de lasser. Même frelater, même frelater. Je vais la bazarder. Le choc de l'ombre, le choc de l'ombre. Jusqu'à Tripoli, jusqu'à Tripoli. Dans mon monde, dans mon monde. C'est Kadhafi, c'est Kadhafi. Tripoli, c'est un extrait de l'album. Tiens, on parlait de la tournée. Je pense que sur scène, celui-ci va, il risque de faire grave. Des dégâts. Celui-ci, ouais, très très très grave. Ouais, c'est le son de la hargne. Mmh. Morceau qui est extrait de, du Bruit de mon âme, l'album de Kaaris entre 20 et 21. Vous balancez vos messages avec l'hashtag Kaaris sur Skyrock. Beko biffé comme jamais. Mauvais message. Hein. Avec les messages qui arrivent. Ça fait rire un peu tout le studio, toute l'équipe. Ouais, parce qu'ils ont des mauvaises bifs, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, bizarre. 41-7-5-9, on va balancer. Non, on va balancer live maintenant, si tu es prêt, Kaaris. Direct. Prêt, c'est un morceau de l'album que tu nous fais. Ouais, je vais faire un petit live de. Four. Le son du four. Le son du four, c'est quand vous voulez maintenant en live dans l'émission. Les images sont dispo sur Skyrock FM, sur l'appli Skyrock aussi. Back to the future. Deux sept, deux sept, KAA poteau, deux sept z deux ro, yada, yadé, c'est le four. Mais devant la police, on est aveugle, muet et sourd. Y'a de la chienne, y'a des loups, c'est le four. Mais devant la daronne, on est aveugle, muet et sourd. J'en fais pas à la cour, je les baise, j'en fais pas à l'amour. En bas des tours, ta vie n'est qu'un compte à rebours. Grrr, grrr, cours, où le grog te fait les contours. C'est le, c'est le, c'est le. Bitch, tu veux baiser avec Riska, tu dois d'abord sucer un de mes gars. J'suis caché derrière une grille comme Vega. J'suis caché derrière une paire de Dita. Y'a de la place dans leur Hux et mes gras. Il doit y rester au moins 1000 gigas. Sur la chatte de Carmen Electra. J'lutte pour un LK comme Evra. Elle veut pas juste avaler quand je chécra. Cette pute veut mourir dans mes bras. Mon navire de guerre est dans le Mistral. Tête de mort remplie de cristal. K2 amiral. J'm'introduis partout, j'suis viral. J'mélange ma mixture. Au port du vice et de la luxure. J'aime des liasses comme le petit poussé. Les couilles pendent comme une montre goussée. RGT, on te montre où c'est. Au fond de ton fion, on va te faire tousser. 2-7-0 sur le podium. Comme un cahut craque sur l'aluminium. Je viens stopper ta merde comme de l'imodium. C'est un enfer, c'est un pandémonium. Regardez, c'est le four. Mais devant la police, on est aveugle, muet et sourd. Y'a de la chienne, y'a des loups, c'est le four. Mais devant la daronne, on est aveugle, muet et sourd. J'en fais pas à la cour, je les baise, j'en fais pas à l'amour. En bas des tours, ta vie n'est qu'un compte à rebours. Cours, où le drop te fait les contours. C'est le four, c'est le four, c'est le four. Les étoiles sont rares et je les tutoie. Et cette pute de la bague veut que je la vous voie. Le bras gauche posé sur la coudoie. Boîte automatique, clique pour me mouvoir. Tu veux ouvrir ton cul, on aura tout vu. Les derniers qu'on cru, on leur a cousu. Je suis venu manger, je suis goulu. Sur la table, couille, ciel et poivre moulu. Vous l'aurez voulu, MC. Tu m'auras pas en me flattant. Avec talent, juste. Prends-toi et ta langue, les singes sortent, c'est la révolution. Les singes sortent, c'est la révolution. Faut que la théorie de l'évolution. Que tu sales, aucune résolution. Que de l'anal démolition. Pas de repères dans ce monde incertain. Que des conflits comme sur la Terre Sainte. J'serai ton ennemi si t'en cherches un. Y'a des armes, c'est le four. Mais devant la police, on est aveugle, muet et sourd. Y'a de la, y'a des loups, c'est le four. Mais devant la daronne, on est aveugle, muet et sourd. J'en fais pas à la cour, je les baise, j'en fais pas à l'amour. En bas des tours, ta vie n'est qu'un compte à rebours. Cours, où le globe te fait les contours. C'est le four, c'est le four, c'est le four. Je sais des deux héros poteau. KWAK et t'as le sadoum. C'est le four. Eh, fumez pas trop loin, genre. Ça fait perdre la mémoire. Sur la tête des gosses, le joint d'aujourd'hui, il était trop chaud. De cette Z2RO, poteau. C'est bien, en fait. Nouvelle campagne anti-drogue, c'est bien. Ne fumez pas trop de joints, perdez la mémoire. J'ai trop méfus, poteau. Ah ouais, maintenant, c'est des textes, ils sont nouveaux aussi, donc. Ouais, ces textes sont nouveaux. Donc, il faut les écrire et tout, faut les travailler, faut que je sois frais pour les concerts. Ça va être compliqué, d'ailleurs, quand t'as des nouveaux morceaux comme ça qui arrivent. Ouais, il y a trop de. Ça, c'est... En fait, il y a trop de morceaux. Après, il faut les choisir, il faut trier. Des fois, il y en a même, tu tries, t'es pas corda, tu veux les garder. Mais Même sur Hors Noir, t'es obligé de le réécouter parfois pour revenir sur certains titres. Ouais, obligatoire. Mmh. Si, il faut. Bon, en tout cas, ce sera carré pour la tournée. Ouais, non, comme mais là, toujours. Si c'est trompé, c'est de la faute de DJ Fresh. Ouais, vous m'avez vu lever la main comme ça ou pas? C'est vrai. Quand j'ai levé la main, c'était un gros big up. Pas DJ Fresh. Le gros big up, pas DJ Fresh. Le DJ. Ouais, il sera viré dès ce soir, ne vous inquiétez pas. Ça, il faut toujours un fautif. Ça ne peut pas être l'artiste, jamais. Ça peut être l'artiste, mais tout le monde a vu. J'ai levé la main comme ça. Non, mais puis voilà, puis ça arrive, c'est des morceaux nouveaux. C'est un morceau qui vient de sortir depuis lundi. T'es en train de bosser. Four, il faut l'écouter, il faut le faire tourner, ça va être bien. Et ben, peut-être qu'on le remettra d'ailleurs demain, version album aussi. Inch'Allah. Entre 20 et 21, juste avant de se quitter, faire tourner la roulette, on finit avec. Qu'est-ce qu'on remet? On met un petit. Caris, faut tout sauver. Cristal pour finir. Ouais. On met Cristal? Ouais, Cristal, frère. Avec Futur? C'est bon, ça. Ouais, avec Futur. Allez, c'est parti. Yeah. Let's go. Future Hendrix, Fire March, Future the Wizard, you know what I'm saying? LBG, we global. RGT. I won't trust these bitches. These bitches gonna touch. We don't trust no shit around none of these bitches gonna tell. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter. I serve a whole bell.

offre ton casque Powerbeat 2, l'album de Sam Smith, plus des bons d'achat de 50 euros. C'est la roulette avec Céline. Pardon ? Céliane, pardon, excuse-moi. Céliane. Ça va bien, Céliane ? Ouais, ça va et toi ? Céliane du 7-8, en forme ? Ouais, tranquille. Ouais, Céliane. Merci. J'ai perdu ta petite fiche, en fait, Céliane. Tu es prête à faire tourner la roulette ? Je te présente d'abord Caris. Excuse-moi, Céliane, ça va ? Ouais. Salut, ça va Caris. Ou quoi, Céliane ? Tu vas bien ? Ouais, super, et toi ? Prêt pour gagner ? Ouais, ouais. Allez, on y va, on fait tourner. Il y a des bons d'achat de 50 euros à choper. Il y a les derniers écouteurs Power Beats de Dre, Beats by Dre. Tu vas gagner, t'inquiète. Quand tu veux, hein, tu dis stop. Ouais, ça fait mal. Eh, t'es pas toute seule, toi. Ah ouais. Eh, vous êtes plusieurs. Il y avait toute la famille ou quoi, avec Céliane soeur, ouais. avec les deux, avec la frangine, là, vous faites ce bruit-là ouais. C'est un truc de ouf. Il n'y a plus de vitres, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de sourcils. Et pour toi, Céliane, par contre, arrive à la maison un bon d'achat de 50 euros avec l'album de Sam Smith également. Donc, on t'envoie ça du côté du 7-8, 50 euros qui tombent, ça fait toujours plaisir. Bien vu, Céliane. Merci, super. On te fait un bisou, Céliane. Ciao. Ouais. Bonne soirée. Salut. Merci Caris, merci Thérapie, merci toute l'équipe, merci Solo le Mythe qui était là aussi avec nous. Fort. Et qu'on retrouve sur l'album de Caris. Solo le Mythe. Merci à vous. Et à demain, normalement. Ouais, demain, ouais, demain il y aura du freestyle. Demain de retour entre 20 Solo, et 21. Avec Ixo, avec Vinkos, Kiba, les bons gars. Il y aura du monde de Sevran. Il y aura du monde de Sevran. Le retour entre 20 et 21, elle est full tout de suite avec toute l'équipe. Bonjour. Ah bonjour, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? En pleine forme? En pleine forme, ouais. Caris aussi, d'après ce que j'ai entendu, ça va ce soir encore. Ça va ou quoi, Diffoul? Comme d'hab. Ça va, j'ai vu que t'étais en Audi TT sur Twitter ce soir. Ouais, t'as vu ou pas? J'ai vu ça, ouais, il est en top tweet. Hein, tu préfères l'Audi TT au top tweet? Moi, je te comprends aussi un petit peu. Hein. Évidemment. Le réel, c'est toujours mieux que le virtuel, mais enfin, ça fait plaisir. Tête des gosses. Merci à vous, en tout cas, ouais, pour les messages pour Caris. Et puis, bah, continuez tout au long de la soirée. Caris, on te retrouve demain entre 20 et 21 sur sans Skyrock. Inch'Allah. Et vous le retrouvez dans les bacs et également en digital pour l'album. Et ouais. Le bruit de mon Nam. Exact. Exactement. Caris, 20h-21h dans Planète Rap. Pour nous, c'est parti jusqu'à minuit. Il va se passer plein de choses ce soir. Toute l'équipe est là, Caris. Hein. Vous m'avez l'air très on chaud. On est au complet. Oui, c'est chaud. Vous êtes toujours très chaud. Hein c'est le four là-bas. Ah, c'est le four. Elle, exactement. C'est la seule meuf et elle dit tu connais. Ouais, tu elle sais. Kiffe ça en plus. T'as vu, oui. Bah écoute, j'aime bien m'éclater. Non, mais tu sais, quand on écoutait Planète Rap, là, avec Marie, elle était là. Il a une grosse voix. Oh là là. Ouais. Caris, il a une grosse voix. Sensuel, oui, Marie, il a une grosse voix. Ouais, c'est vrai que j'aime bien ta voix. Ah mais les grosses voix, c'est ça, c'est de la soirée. T'es con. Donc la grosse voix de Caris, demain dans Planète Rap. Gros, tout est gros. Ça j'ai rien demandé, moi. Ça, j'irai pas vérifier, mais on te croit sur parole. Allez Marie, ça nous fera des trucs à raconter en plus. Ouais, mais bien sûr. Ah ben l'autre. Enfin la jonction Planète Rap Radio Libre cette semaine. Ouais, c'est ça. Caris Marie. Merci Caris en tout cas. Merci à vous. On te retrouve demain à 20h21 sur Skyrock, peut-être avant minuit aussi dans l'émission. Et puis là c'est parti, hein, Fred. Et bah coup d'envoi. Et coup d'envoi avec Ariana Grande tout de suite. Elle est toute petite. Ariana, oui. Oui, c'est ironique. Petit gabarit, ouais. Ça m'a toujours fait délirer qu'elle s'appelle Grande alors qu'elle est toute petite. Toute petite. Oh, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai. Vraiment minuscule. Elle est minuscule. Ouais. Elle est toute minuscule. Ah bah toi, tu la serres avec tes bras, c'est mort. Tu l'écrases, Caris. Tu broies les os. Oui, oui. Le torse d'Ariana Grande, c'est le biceps de Caris. Ouais, normal. C'est bon, Ariana Grande, on la retrouve tout de suite avec One Last Time et puis vous nous appelez au 01 53 40 30 20. C'est ouvert dès maintenant avec toute l'équipe qui est là. On arrive dans une minute sur Sky avec Ariana Grande et avec vous tous en direct. Salut Caris, salut Fredo. Ciao, ciao. Salut, ciao. Salut. Ciao, à demain. Salut. Ciao et Radio Libre, c'est parti. Tous les matins, avec le morning de Difool sur Skyrock, il se passe plein de trucs, de la joie. C'est parti chez Isabelle ce matin. Allô.